Vendredi 11 juin 2020, T1. C'est la journée des radios, des ateliers radio en ESAT, mais l'enregistrement n'a pas fonctionné la première demi-heure. Et autour de la table, il y avait Radio ESAT, la quotidienne de l'ESAT de Marsoulan, avec Yvan, Marie, Jonathan, Algia et aussi en présence de Christiana, Stéphanie, Leila. Et nous avions commencé par écouter ça. À l'écoute de Radio Tisto sur p-node.org. C'est l'émission oui. Des jeunes de l'hôpital de jour d'Antony, en direct sur Internet. Et Jérôme me pose une question. Jérôme, tu as tout à fait le droit de me poser une question. En revanche, il faut la poser dans le micro. Il est parti où, Nicolas, en vacances? Nicolas, tu parles de qui? De nouveau. Le nouveau Nicolas? Je pense qu'il n'est pas parti en vacances, Nicolas. Non, il n'est pas parti en vacances, il est resté bien, à Paris. Il y a quel jeune de l'hôpital de jour qui est parti en vacances? Je pense tous, sauf toi. Non, c'est une blague. Non, je rigole. Jérôme, t'es pas parti en vacances, hein? Sérieux? Mais tu sais, tu devrais, je sais pas, manifester, par exemple. Julien. Tu veux pas qu'on organise une grosse manif pour dire que quand même, pas partir en vacances à Noël, c'est une grosse manif, hein, avec tous les syndicats et tout. Il y en a qui manifestent pour les retraites, hein, et nous on va manifester pour les vacances. Ouais. Il faut que tu fasses un slogan, Jérôme. Mmh. Cela dit, Jérôme, je crois que tu as une vraie revendication. Ta mère m'en a parlé très très vite. Oui. Je sais que tu as écrit à Brigitte Macron. Oui. Bah oui, j'ai écrit à Brigitte Macron parce que ce que je comprends pas, c'est que j'ai voulu revendiquer à Brigitte Macron. J'ai voulu en parler à Brigitte Macron que y a une nouvelle réglementation à l'ESAT. Et c'est quoi cette nouvelle réglementation? Alors déjà, c'est quoi un ESAT, Jérôme? Peut-être pour les auditeurs. Un centre d'aide par le travail. Oui, c'est ça. C'est ton travail, en fait. Oui, c'est ça. Un travail un peu aménagé. Oui. Parce que c'est des gens qui ont certaines difficultés qui y vont. Donc, dis-moi. Bah parce que en fait j'ai reçu une lettre à la rentrée les AT commençaient une demi-heure plus tôt que d'habitude et au lieu de finir à 5h on finit à 4h. Ah vous finissez une heure plus tôt? Oui. Mais vous commencez une demi-heure plus tôt? Oui. Moi, je compatis avec toi parce que c'est vraiment dur là. C'est la demi-heure qui est de trop. Et du coup, j'écris à Brigitte Macron que les autistes ont droit au travail, que les personnes en situation de handicap, elles ont droit au travail. Elles ont droit de travailler, les personnes en situation de handicap, et du coup. Ce qui est dégueulasse, c'est que les centres d'aide par le travail imposent des horaires qui sont beaucoup trop compliqués, imposent des horaires qui sont pas convenables pour les personnes en situation de handicap. Moi, j'ai vraiment envie de travailler de 9h à 17h. Je veux travailler de 9h à 17h, mais pas de 8h du matin, par exemple, à 21h. J'ai pas envie de travailler de 10h du matin, de 8h du matin à 21h. C'est impossible. On appelle l'imposition, tout simplement. L'imposition, c'est qu'on demande des choses. On demande des choses auxquelles nos capacités peuvent pas atteindre le niveau. Quand par exemple on va dans une institution qui nous convient pas, quand on va dans une institution avec des gens qui bavent, qui nous convient pas, tout simplement l'imposition. Tout simplement, l'imposition, c'est que la personne impose. Du coup, on n'est pas heureux, on est malheureux, on n'est pas heureux quand la personne impose. Quand la personne impose, on n'est pas heureux. Et le bonheur, en fait, le bonheur, c'est que en fait, on vit tout simplement pas avec l'imposition. On vit pas avec l'imposition. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est qu'on ne vit pas avec l'imposition. Et le bonheur, c'est que en fait, quand on croit au bonheur, c'est que en fait, on fait la demande d'aller à Disneyland Paris. On fait la demande d'aller à Disney avec sa famille. On fait de la demande d'aller à Disney en famille. On fait la demande d'aller à Disney en famille. Et du coup, on attend sagement si on va pouvoir obtenir cette demande. Et voilà, le seul truc, c'est qu'on faut attendre si on peut pouvoir obtenir cette demande. On l'obtient pas, bah tant pis. On l'obtient pas, tant pis. Le but, c'est que tous les jeunes qui ont 25 ans, les jeunes qui ont 15 ans, les jeunes qui ont 25 ans, qu'ils soient mariés ou non, que les jeunes qui ont 25 ans, peu importe leur vie, qu'on soit tous dans le même bateau. J'ai envie qu'on soit tous dans le même bateau, que les gens aillent pas sans arrêt à Disneyland Paris un week-end par mois, par exemple, un week-end tous les mois. Que les gens, à chaque période de Noël, parce que si les gens, à chaque période de Noël, vont tous en République dominicaine ou en Thaïlande, et ben là, j'ai envie que la vie, le bonheur, justement, c'est ça le bonheur, c'est que en fait, j'ai envie que tous les gens qui ont de l'argent, tous les gens qui classent moyenne ou qui ont de l'argent, j'ai envie qu'ils aillent pas tous les week-ends du mois à Disneyland Paris. Là, on ne croit pas du tout au bonheur, c'est que on se fait engueuler tout le temps, les gens nous crient dessus. Les gens se moquent de nous, les gens nous crient dessus. C'est-à-dire que les gens imposent. Et les centres d'aide par le travail, c'est censé être un centre d'aide par le travail. Donc ça veut dire... les centres d'aide par le travail, c'est le travail, c'est fournir du travail. C'est fournir du travail, différents types de travail, et pas l'usine. Le travail, c'est pas pareil que l'usine. L'usine, c'est l'imposition. Alors que quand on travaille, eh ben il suffit de s'asseoir sur sa chaise de travail. On travaille de 9h à 17h. Et c'est génial parce qu'on gagne un salaire. Et c'est vraiment idéal de travailler. Et moi, j'ai vraiment la chance qu'à l'ESAT, on ne m'impose pas des choses. Et c'est pour ça que j'ai écrit à Brigitte Macron, parce que je veux m'assurer que les ESAT ne changent pas. J'ai envie de m'assurer que les ESAT ne changent pas, parce que ça m'a inquiété qu'ils changent les horaires de travail. Et du coup, surtout, moi, le pire, ce que j'ai écrit à Brigitte Macron parce que j'ai envie qu'il y ait plus de sport pour les personnes en situation de handicap. J'ai envie qu'il y ait plus de sport, que les personnes en situation de handicap ne soient surtout pas rejetées par le monde extérieur. J'ai envie que les personnes en situation de handicap soient à l'intégration. À l'intégration, il n'y a pas que le travail. L'intégration, ça suffit pas de travailler 5 heures jusqu'à 5 heures et de travailler 8 heures. Ça suffit pas de gagner son argent. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être en intégration. En être en intégration, ça suffit pas d'avoir un travail et de travailler de 9h à 17h. Ce qu'il faut, c'est par exemple quand on voyage, par exemple, que les personnes en situation de handicap soient acceptées jusqu'à temps qu'ils voyagent et qu'ils soient acceptés. Moi, quand par exemple je vais Quand par exemple, si un jour je sais aller à la piscine tout seul, si je vais dans une autre piscine que celle de Boulogne, j'ai pas envie que les gens se moquent de moi et que les gens disent je veux pas, j'ai pas être ton ami, j'ai pas envie de voir des jeunes, des gens qui se fassent des amis alors que moi je peux pas m'en faire. Bah c'est ça l'autonomie. Bah voilà, c'est ça l'autonomie, quand on est capable d'acquérir la liberté, il faut que les gens y mettent son grain de sel aussi. Si les gens y mettent pas son grain de sel, c'est compliqué pour la personne. Parce que la vie c'est pas 1940, la vie on est en 2020. Et les choses ont beaucoup évolué et je comprends pas pourquoi pas par exemple les personnes en situation de handicap pourraient être acceptées telles qu'elles sont. C'est vrai, elles pourraient être acceptées telles qu'elles sont, c'est vrai. Ça serait tellement formidable si on était accepté tel qu'on est, avec nos difficultés. Franchement, ça serait génial. Enfin, pas nos difficultés, mais nos besoins. Je dis pas difficultés, mais nos besoins et les choses qui nous plaisent à nous. Pas être comme tout le monde. J'ai pas envie d'être comme tout le monde. Je veux pas être comme tous les gens qui sont dans la rue. Moi, je veux être également comme tout le monde. Et je veux être comme je suis. Voilà. Et Paris, ça serait tellement la plus belle ville du monde. Paris, si on était accepté tel qu'on est. Si... Et dans ce qu'on a écouté, j'ai oublié son prénom. Jérôme, donc de Radio Tisto. Il a fait, dans sa prise de parole, il y a une distinction entre, enfin moi en tout cas qui m'a intéressé, entre usine et travail. Et alors usine à l'ESAT, je me le raconte un peu comme lui il le dit pour moi avec ce mot d'imposition. Et la radio c'est libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inscription, on vient pas, on vient un peu, on repart, on revient. C'est aussi une pratique qui apprend dans un ESAT à... Bah, se déplacer autrement, à prendre part à une activité autrement, c'est-à-dire en se repérant non plus à partir de l'imposition d'un autre, mais à partir de est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas, est-ce que j'ai envie juste d'écouter aujourd'hui ce qui se dit, ou est-ce que j'ai envie de parler, est-ce que je vais réussir à parler ou... enfin, et du coup, il faut un peu trouver des repères qui sont à inventer, même si il y a quelque chose qui est quand même porté. Mais en ce qui me concerne, pour ce qui est de ma place à la radio, je dirais que vraiment honnêtement, moi-même, je m'appuie. J'ai pas vraiment trouvé une place qui me permette de servir, enfin de faire fonction d'appui, hormis le fait que je tiens à être présent parce que ça m'intéresse. Et voilà, c'était pour dire que il me semble que ESAT La Quotidienne, depuis le début, on a trouvé un appui avec des autres qui venaient d'ailleurs. Et en fait, je me dis que ça ne marche que comme ça pour ESAT La Quotidienne. Et c'est assez intéressant parce qu'à la fois, ça donne un peu un sentiment de fragilité en se disant si on devait se retrouver là comme ça, à se débrouiller à l'ESAT avec... là où on en est arrivé aujourd'hui, comment est-ce qu'on ferait? Et en même temps, il y a quelque chose d'une dépendance, mais que je trouve vraiment heureuse. Pour le dire comme ça, simplement, moi j'ai besoin de Jean-Baptiste. Et voilà, donc il y a le désir de radio, où il y a quelque chose de la radio qui cause un désir. Et puis il y a aussi cette nécessité, je sais pas, de s'associer pour que ça existe. Comme ça. Qu'il y ait de l'échange, quoi. Voilà. Qu'il y ait de l'échange, on a besoin, on attend. Où il est, où est Marie, où est Jean-Baptiste, où est le groupe Et puis c'est vrai, comme il dit Jonathan, on y va quand on veut à la radio. On le sent ou on le sent pas. Voilà. Yvan, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, je veux dire quelque chose. Parce qu'avec avec Bricouloir, on a changé pas mal de choses. On t'entend. On a changé pas mal de choses avec Bricouloir et Bricouloir a changé aussi autre chose avec nous et ça nous a fait du bien. Et du coup, effectivement, il y a comme une constellation de soutien autour. Bruit de couloir, comme tu disais, rencontrer des gens par les sorties, venir ici. Voilà, alors après, le désir de radio, c'est vrai que quand on arrive à l'ESAT, peut-être qu'on peut dire un peu où ça se passe dans l'ESAT. Et ensuite, on écoutera un petit peu des choses qu'on a faites quand même, parce que là, on a fait écouter Radio Tisto, mais on écoutera aussi des choses qu'on a faites. Mais effectivement, ça se passe le vendredi. Peut-être vous pouvez dire un mot, d'ailleurs, vous-même. Oui, ben, ça se passe le vendredi à partir de 8h30 pour un groupe. Alors, groupe de parole, là, pour le groupe coup. Groupe de parole, à 8h30, et après le deuxième groupe, à 9h30, 10h. Ouais, et oui. Là, c'est des échanges, c'est des on écoute les sons qu'on a faits, les enregistrements, on voit Jean-Baptiste, on voit le groupe, et voilà. Mais comme il dit Yvan... Quand on est parti à Bruit-de-Couloir, on a connu aussi le local, leur nouveau local. Ils nous ont présenté leur nouveau local. On a fait un petit repas, on a été invités. Et puis c'était sympa. Puis on a fait des connaissances. C'est important. Voilà. C'était un Stade Denis pas loin du Stade de France. Oui, parce que Yvan, vous avez porté le projet d'une chronique sport dès le début, une chronique sportive. Bah oui, je tiens toujours la chronique sportive. D'ailleurs, tu faisais un petit point sport tout à l'heure. Tu peux nous rappeler l'actualité là ? Bah, je vais vous parler du match. Ce soir ? Bah, ce soir, il y a le match de voiture entre la Turquie et l'Italie qui aura lieu à 21h. C'est retransmis sur quelle chaîne ? Il y a deux chaînes qui retransmettent. Il y a match sur M6 et sur TF1. Alors moi, je voulais rajouter une chose. Bon, c'est toujours difficile de parler d'un atelier auquel on participe, mais il y a aussi une autre chose. Il y a des choses aussi qui se font en dehors. Enfin, dans ce que vous avez raconté, ça me fait penser qu'il y a plein de choses qui existent en dehors de faire de la radio dans le groupe radio. Circuler, aller au but de Chaumont, rencontrer des gens, tout ce qui pourrait d'une certaine manière être comme les activités d'un CE ou d'un club de travailleurs. Enfin, il y a cette idée un peu de club, de rencontre, etc. Et puis, quand on était dans l'hiver un peu où c'était très difficile de circuler, on avait fait venir des personnes dont l'un travaille dans un théâtre, qui est un régisseur son dans un théâtre, et qui avait fait un camion radio avec un ami à lui. Et donc, on a fait rentrer, grâce à Arthur et Aurélien, ils ont amené leur camion radio, qui est un studio mobile. Et donc, ils sont venus, et pendant toute la matinée, on a enregistré quelque chose, mais on a surtout démonté les sièges du camion. On a fait comme un atelier... montage studio, tu te souviens ? Et j'y étais. Et tu étais. C'était à l'ESAT, ça ? Ouais, c'était à l'ESAT. Et j'ai fait le démontage du siège. C'était physique. C'était physique, ouais. Ouais, parce que j'avais mon bras qui était carrément en feu. Vous étiez là aussi, Alja ? Je voudrais juste, juste dire un truc. Ouais. Quoi. Moi, depuis que je suis à l'ESAT, ça fait maintenant bientôt 4 ans, et ben, j'ai connu aussi l'association Matoub Lounès. Et j'ai fait du dessin là-bas, j'en fais encore. Bon, pour la crise, là, c'est pas possible, mais j'en ai fait, et puis j'espère reprendre. C'est vrai que ça ouvre beaucoup de portes aussi. Qu'est-ce que c'est, cette association ? Alors, c'est l'association de Matoub Lounès. Vous voulez parler de l'association ou de la personne ? L'endroit où se trouve. Où se trouve. Alors, c'est à Montreuil, c'est à rue de République, et c'est des aides. C'est une aide pour les gens qui s'ennuient ou qui veulent développer quelque chose, du dessin, une langue. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Association. Et c'est bien. Voilà. Et ce que je voulais dire, du coup, après l'atelier, après cette histoire de visite du camion, effectivement, il y a aussi ces alliances, vous avez raison, dans le quartier. Voilà, dans le quartier. Ouais. Et il y a aussi, donc du coup, ensuite, par exemple, après cette visite, il y a aussi certaines personnes dans les ZAD qui ont fabriqué des maquettes, qui écrivent aussi des textes, qui fabriquent des recettes. Bon, je pense à deux personnes qui fabriquent des objets. Et donc, dans ce temps d'atelier radio, qui est aussi un atelier de parole, il y a aussi des choses qui sont fabriquées, qui n'ont pas forcément directement à voir avec la radio, mais on s'est amusé à les appeler les objets radiophoniques, qui sont des dessins, qui sont des écrits, des recettes calligraphiées, et aussi des maquettes, où Sarah avait fait une maquette du camion radio. Donc il y a aussi, il est possible de venir avec des objets aussi, de fabriquer des choses, et donc il y a aussi l'idée d'être un peu un groupe où des envies de fabrique peuvent s'exprimer quand même dans les ZAD. Et ça nous renverra peut-être aussi à la discussion qu'on aura mercredi 16 ici à la Fonderie. C'est en fonctionnant sur toutes ces jambes-là, les rencontres, les visites, les ateliers, les envies personnelles, que le groupe de parole, que les choses sont agencées. Et donc aussi, sans perdre l'idée qu'il y a quelque chose, et c'est pour ça qu'on passait aussi cet extrait de Radio Tisto, qu'il y a aussi quelque chose autour d'une revendication parmi beaucoup aussi des travailleurs de l'ESAT sur justement les activités de loisirs, comme l'ESAT n'est pas seulement un lieu de travail, comme disait Jérôme, c'est pas l'usine. Donc il y a aussi quelque chose qui s'exprime à travers la radio de cette question-là. Et notamment, je pense, moi je le cite parce qu'on a beaucoup échangé là-dessus, Stéphane, qui écrit beaucoup de textes, on a eu une longue discussion, on aurait pu le faire écouter là, mais on va le partager d'abord à l'ESAT, autour de la question du droit des travailleurs dans l'ESAT, notamment le problème de l'absence de droit de grève possible, etc. Bon, voilà. C'est aussi toutes ces questions-là, je crois, aussi, qui traversent l'atelier. Mais si je comprends ce que dit Jean-Baptiste, il dit que l'émission de radio vous sert à exprimer des souhaits par rapport à ce qui se passe dans les ZAD. Oui, oui, tout à fait. On exprime ce qu'on ressent et dans les actes, ce qu'on a envie. Et demander des choses aussi. Oui, oui. Moi, j'ai l'impression que l'émission, enfin que les actes la quotidienne, ça a permis de lancer des pistes de réflexion et de réfléchir sur comment on travaille dans les ZAD, pourquoi et quels sont les droits, puisque c'était un endroit où chacun pouvait se retrouver et venir poser ces questions-là. Et ces questions, je pense qu'elles sont peut-être parfois difficiles à lancer dans l'atelier ou pendant une chaîne de travail parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on se sent peut-être pas forcément en confiance, parce que c'est pas le lieu pour... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de ça dans... Et dans ce que vous appelez les ateliers de travail, il y a des gens qui vous disent ce que vous devez faire ? Une sorte de chef Ah oui, bien sûr, on a un chef d'atelier. Et c'est arrivé que vous que le chef soit convié à une émission de, à un moment de radio. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde et puis c'est toujours intéressant que les personnes peuvent venir pour la radio et pour écouter, pour donner des conseils et tout, bien sûr. Ouais, parce que nous, on fait pas du favoritisme. Parce que tout le monde peut venir. Il peut même participer à l'audio sans être... Tout le monde a le droit d'y participer, tu vois. Ouais, tout le monde a le droit de participer. S'ils ont pas de travail. Oui, sur ce point-là, du si ils n'ont pas de travail, c'est peut-être là qu'il y a un espace de négociation, mais qui est intéressant. C'est-à-dire que ça permet justement à cet endroit-là de demander à certaines occasions. Ça permet aussi de se poser des questions, c'est-à-dire est-ce que l'atelier radio, d'ailleurs c'est parfois des questions qui sont posées ouvertement, soit par des personnes qui viennent à la radio, qui découvrent un peu, voire même par des participants qui sont là depuis le début et qui se mettent à interroger qu'est-ce qu'on fait à la radio, quelle place a cet atelier radio à l'ESAT. Alors des fois par exemple ça peut être des questions, mais là cette sortie-là, c'est pas du travail, ça. Ou alors, quel est le rapport entre cette sortie et l'atelier radio? Et c'est des bonnes questions, parce que ça nous-mêmes, enfin, en tout cas, pour ma part, ça m'invite à réinterroger aussi ce qu'on fait. C'est-à-dire, la radio, c'est aussi une occasion de s'évader, géographiquement et puis psychiquement, mais ça a plein d'autres fonctions, quoi. Et pour ma part, ça a aussi... dire que c'est un travail, ça tient la route pour moi, de dire que cet atelier, c'est un travail. Alors, ça peut s'argumenter en disant, parce qu'on y apprend une technique aussi, on y apprend des gestes, on y apprend plein de choses, il y a un apprentissage de quelque chose. Mais peut-être aussi, on peut se dire, mais au fait, qu'est-ce que c'est travail aussi? Et on peut peut-être élargir le sens du mot travail en le dégageant de l'emploi ou de l'usine, et puis en constatant qu'on fabrique des objets aussi, des objets phoniques, des objets radiophoniques qui sont des objets matériels créés par des participants, comme un petit camion radio qui a été fabriqué ou des textes produits. Tout ça, on peut se dire que ça a un rapport avec la production. Mais c'est séparé de la marchandise, c'est-à-dire que c'est pas commercialisé, quoi. Ça pourrait, hein, mais c'est pas, pour l'instant, personne n'a jamais proposé ça. Et du coup, peut-être que voilà, ça reste un peu. J'ai un peu dévié de la question, mais. Moi, j'ai un sujet qui parle de Fort Boyard. On a Christiana qui nous a rejoint, Yvan. Et qui écoutait la radio, je crois, dehors, tu étais dehors, ouais. Et qui voulait, sur cette question encore du travail, de qu'est-ce qui est production, sur ce travail de l'atelier radio, parce que quand vous êtes dans les ateliers de production, ça s'appelle aussi atelier. Et c'est vrai que, comme tu disais, Jonathan, il y a l'idée que l'atelier radio, c'est pas forcément comme un atelier comme les autres non plus. Ouais. Mais tu voulais dire quelque chose, Christiana? Alors nous, dans 93, il y a les ZAD de Aulnay-sous-Bois. Si je ne sais pas si vous connaissez les ZAD de Aulnay-sous-Bois. Il y a les ZAD, il y a la SAS, il y a la SAS et les ZAD. Et à la SAS, on apprend à travailler. Ça veut dire qu'on descend en bas, pour apprendre à travailler, et on fait que des ateliers pour apprendre à travailler. Et nous, on a des délégués de la SAS. Si on a un problème, on va voir le délégué. Et c'est le délégué si on veut faire une activité, si on veut faire une sortie. Si le manger n'est pas bon à l'ESAT, y a un délégué à la SAS et un délégué en bas à l'ESAT. Il y a deux délégués. Et ces délégués-là, ils sont là pour les travailleurs. C'est un travailleur le délégué. Il y a un délégué travailleur, tu viens et tu demandes aux gens s'ils veulent faire la fête de Noël, s'ils veulent faire une nativité, comment ça se passe là-bas, à l'ESAT. Voilà. C'est comme un intermédiaire, ce délégué, entre l'ESAT et la SAS, c'est ça? Oui. Ok. C'est des délégués. Et en fait, il y a un délégué à la SAS, travailleur, un délégué de la SAS. Tu demandes aux gens de la SAS si le manger est bon, comment fait Noël, et ils viennent avec ce délégué, ils font des réunions avec la directrice, la chef de service. D'accord. Avec la chef de service, ils se réunissent tous les trois semaines pour faire une grande réunion pour dire qu'est-ce que j'aime la SAS. Alors en fait on fait une réunion à la SAS avec le délégué lui-même et tous les gens de la SAS, on se réunit et après on fait une réunion et le délégué il marque qu'est-ce qu'on veut nous. D'accord. Et toi tu travailles en ESAT? Du coup? Non, moi je travaille à la SAS. Ah, d'accord. Et Christiana, le délégué, c'est un travailleur parmi vous. Voilà, c'est pas. Qui fait le lien avec la direction de l'ESAT ou de la SAS. C'est ça. D'accord. Et du coup, vous les élisez? C'est une élection? Oui, c'est une élection. Vous les choisissez entre vous? Oui. Et toi, tu l'as fait déjà d'être délégué? Non, d'accord. Jamais. Mais je connais, il y a des amis à moi, mais c'est mes collègues, ils sont délégués. Il y a un délégué et un supplémentaire. Un supplément, ça veut dire quand le délégué n'est pas là, l'autre, il le remplace. Voilà. C'est... Okay. Et là, il y a l'ESAT. Parce que nous, il y a un AS. Tu connais la SAS? Non, je ne connais pas, c'est pour ça. Il y a la SAS, c'est pour apprendre à travailler. Tu vois, okay. En fait, comment je vais t'expliquer la SAS? Tu as à 19 ans, tu viens à la SAS. Quand tu n'arrives pas à travailler pour aller à l'ESAT, eux, il y a un truc pour aller, c'est là, ça s'appelle la SAS. Et la SAS, ça t'apprend tu restes 5 ans pour apprendre à travailler pour aller à l'ESAT plus tard. Pour aller à l'ESAT. Voilà, c'est okay. Et du coup, tu apprends quoi? Tu fais quoi comme type de travail concret? Ben, tu apprends les travaux de l'ESAT. Alors, tu apprends le ménage, okay. La blanchisserie, la cuisine, le repassage. Tu apprends quoi d'autre? T'apprends le façonnage. Et tu passes par tous les ateliers? Oui. Comme ça, tu vois ce qui te plaît et sur quoi tu pourrais se postuler ensuite pour aller à l'ESAT. Ouais, c'est ça. Ok. Et après, tu fais des stages à l'ESAT. Mais tu faisais aussi du dessin à la SAS, non? Non. Non, c'était pas là. On fait pas de dessin là-bas. On apprend que pour aller travailler à l'ESAT. Ah oui, il y a un projet pour les gens qui sont au foyer. Mm-hmm. Quand tu es au foyer, parce qu'il y a deux projets. Les gens, tu vas aller à l'ESAT et à des gens, tu vas au foyer coplationnel parce que les gens, tu ne peux pas aller à l'ESAT. Et ces gens-là, ils font du dessin, ils font des choses pour pas aller à l'ESAT. D'accord. C'est intéressant de faire des choses pour pas aller à l'ESAT. Voilà, c'est ça. Et tu fais des stages au foyer. Et quand tu vas à l'ESAT, quand tu fais des stages pour aller à l'ESAT, tu fais des stages à l'extérieur et en premier, tu fais des stages. Dans l'ESAT d'Aulnay-sous-Bois. D'Aulnay-sous-Bois, tu fais des stages là-bas. Et après, quand tu es bien, bien, bien, tu fais des stages à l'extérieur. Ça veut dire dans des entreprises, par exemple, ou dans d'autres ESAT? Dans des autres ESAT. D'autres ESAT, d'accord. Voilà, c'est ça qu'on fait à l'ESAT d'Aulnay-sous-Bois. Mais, vous découvrez d'autres métiers pour d'abord y aller à l'ESAT, par exemple? Non, on fait que blanchisserie, façonnage, cuisine. À l'ESAT, hein? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes payé pour quand vous faites Non, on n'est pas payé. Quand tu apprends à travailler, tu n'es pas payé. Non, tu n'es pas payé. Ok. Tu n'es pas payé. D'accord. Non, tu n'es pas payé. Alors, il est midi et quart, presque. Et pour se donner un peu un temps, parce qu'ici, on fait un café des habitants, on fait un temps aussi de repas collectif. Et à 13h30, on a rendez-vous avec Turbulonair, donc qui est la radio de l'ESAT, chapiteau turbulent de la porte de Champéret. Et bon, on trouvait ça chouette de réunir des ateliers qui ont des histoires très différentes dans la même matinée, journée, pardon. Et du coup, on pourra poursuivre et on pourra, si vous voulez, Yvan et Algia, aller les voir, par exemple, pour élargir le réseau. On va, en attendant de contacter Turbulonair à 13h30, on a rendez-vous avec eux, écouter un peu une des émissions, une des choses qui a été faite l'année dernière. Donc, en attendant, je crois, Christiana, vous avez fait un atelier poterie dehors et j'ai l'impression que Stéphanie est allée chercher des choses qui doivent arriver en radio, là, non ? Qu'est-ce que vous avez fabriqué dehors, à l'atelier poterie ? On a fabriqué des choses pour siffler. Ok. Je crois que Stéphanie est allée chercher les sifflets. Ah, les voilà. Alors, il faut se rapprocher quand même. Tiens, Algia, peut-être que tu peux rapprocher le micro que tu as d'un des sifflets. Un peu plus proche, Algia. Vas-y, n'hésite pas. Merci. Je vais lancer une des émissions fabriquées à l'ESAT l'année dernière, une des émissions de Radio ESAT La Quotidienne. On se retrouve à 13h30 avec Turbulonair après cette diffusion. Yvan, je vous laisse donner le gong d'envoi. 3, 2, 1... Top. Bonjour à tous, ESAT La Quotidienne. Coucou mes crocus. Top. C'est ESAT La Quotidienne. La Quotidienne. 3, 2... Tu me donnes le top ? Top. Vous êtes sur ESAT La Quotidienne. ESAT. ESAT. ESAT La Quotidienne. Top. ESAT La Quotidienne. C'est ESAT La Quotidienne. Chut. Action. Bon alors Yvan, on a fait quoi là pendant tous ces mois, septembre, octobre ? Septembre, octobre, novembre, décembre. Entre septembre, automne, novembre, décembre, on a enregistré pas mal de choses et ça nous a procuré de la joie et beaucoup de bonheur. Et puis vous avez appris à brancher tout le matériel. Ouais, ça m'a procuré du plaisir de brancher tout le matos. Si c'est à refaire, je le ferai. T'es prêt, Ismaël ? Attention, dans 3, 2, 1, let's go. Eh bien, bonjour Edine et bienvenue dans le groupe radio. Le groupe radio a été, nous sommes les membres fondateurs avec Monsieur Siebold. Ensuite, il y avait Marie qui était l'ancienne éducatrice et tous les autres travailleurs qui sont venus pour participer à cette activité. Le principe est simple, on choisit un sujet tout en y débattant et lorsqu'il y a Jean-Baptiste qui vient, nous avons la possibilité eh bien, d'utiliser sa radio afin de discuter, d'émettre des idées et le tout dans le calme et la bonne humeur. Si jamais tu n'es pas obligé de parler, hein, tu peux très bien nous écouter, mais ça fait plaisir de voir des gens qui puissent discuter et parler avec d'autres personnes. Donc du coup, si tu veux nous rendre visite, c'est tous les jeudis à 13h30 et ce sera durera 1h30. Ravi que tu sois venu. Voilà, bienvenue. Et voici Mourad. Alors la radio, elle a été créée un jeudi, en fin de compte, on était un groupe, on parlait, tout ça. Après, on avait dit, ça serait bien qu'on fasse un groupe de radio pour parler des sujets, ce qui passe dans l'établissement, ou ce qui passe à l'extérieur, des événements qu'il y a en ce moment. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir créé ce groupe radio qui s'appelle Ezat la quotidienne. On se réunissait, et après voilà. Et là, de fil en aiguille, nous avons créé notre propre radio. Et voilà, je remercie toute l'équipe qui est là. Voilà, merci beaucoup. La question que j'avais, c'est comment percevez-vous la radio en général ? La radio, c'est un outil. Ça permet, je pense que comme beaucoup en France, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la parole. Toutes les émissions de télévision, radio, tout ça, c'est toujours des gens très très hauts dans l'échelle de travail qui est dans les films représentatifs. Et les gens, le peuple n'est pas trop représenté. Et la radio, surtout dans les ZAT, ça va permettre que tout le monde ait la parole et qu'il puisse discuter sur n'importe quel sujet, puis donner son avis, puis comme une antenne libre. Et c'est extraordinaire. Bonjour, c'est Stéphane à la radio. Donc, je voulais juste dire que c'est seulement les personnes qui viennent au groupe radio qui s'expriment. Après, tous ne viennent pas forcément pour parler, mais pour écouter, pour voir comment ça se passe dans un groupe radio. Un groupe radio, en général, c'est aussi pour permettre à ce que des personnes qui ne sont pas forcément dans les mêmes ateliers puissent se rencontrer. Et donc, parler de sujets divers qu'on va pas forcément aborder dans un ESAT, enfin dans le travail. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter au groupe radio ? Moi, je trouve que groupe la radio, c'est donner sa voix et dire tout ce qu'on pense et des sujets qu'on doit aborder. Et aussi, en même temps, c'est une liberté de donner sa voix pour s'exprimer ses émotions, d'exprimer ses émotions et sa colère. L'autre question que j'avais à poser, c'est qu'avez-vous appris grâce à l'atelier radio ? Okay. Je reprends la question pour poser par Inès. Qu'avons-nous appris grâce à l'atelier radio? Je passe la parole à Cyril Kivan. Ça nous a appris à nous exprimer, à donner de la joie et autour de nous. Et voici Adèle. La radio, à un moment, je suis venu, puis j'écoutais les autres, et puis je pensais que c'était assez difficile, et après plus je suis revenu en écoutant les autres, j'ai vu que on peut faire des sortes de miracles. On peut lancer un sujet, puis chacun donner son avis, et puis on peut faire des choses extraordinaires. J'aurais pas cru qu'on serait arrivé à ça, qu'on pourrait arriver à ça, mais là j'ai vu le groupe et j'ai vu quand Yvan et puis d'autres, tout ça, même si on n'avait pas le contenu exact de l'information, mais on peut arriver à des belles choses et je suis content et je crois qu'on peut y arriver. Oui. Merci à d'autres. Merci Adèle. Et voici Ismaël. Eh bien, concernant la radio, je dois dire quand même qu'au début, c'était pas vraiment le truc je ne m'étais pas autant impliqué. Ils ont juste que je trouvais ça cool qu'il y avait un groupe, une association, j'y étais venu. Et puis au fil du temps, j'ai commencé par apprécier le groupe, j'y ai pris goût, hein, à venir au rendez-vous, à discuter, à mettre des idées, parfois rigoler. Vraiment, ce qui me plaît au sein de la radio, c'est que vraiment, hein, chaque jeudi, c'est toujours, il y a toujours un truc de marrant qui change. Et puis, mais vraiment, la partie vraiment la plus incroyable, c'est quand il y a des personnes qui viennent nous voir, comme des référents, des éducateurs, des membres de l'extérieur qui viennent nous rendre visite pour découvrir la radio, parce que, et moi, ça me fait rêver. Ça me ferait rêver qu'un jour, bien, peut-être par hasard, que la radio de l'ESA devienne vraiment une radio connue. Ce n'est qu'un rêve, mais moi, ça me ferait bien rigoler de voir ça. C'est quoi la radio en un mot ? Je sais pas. En un mot, la radio, pour moi, c'est un rêve. Et voici Mourad qui va nous expliquer. Pour moi, la radio, en un mot, un groupe. Et voici Adèle qui va nous expliquer. Pour moi, la radio, c'est mieux. Merci. Voici Sarah. En un mot, pour moi, ça sera la joie. Pour moi, la radio, c'est le bonheur de partage et de la convivialité. Ma partie préférée, c'est ma chronique sportive. Merci. Il y en a marre de parler les foot. Merci, Delphine. Moi, la radio ma préférée, mon préféré, c'est Soprano, Roule. Ma partie préférée, c'est quand il y a plus de, il manque des filles, il manque des gens, c'est quand tout le monde est là, on lance un sujet et tout le monde donne un avis sur ce sujet, puis c'est extraordinaire. Eh bien, mes rubriques préférées sont les rubriques débat ainsi que les rubriques vocal, version parodique. On va un peu plus fort parce qu'on n'entend pas. Ouais, c'est bon. Et c'est la voix. À tous les habitants. L'émission de radio va maintenant fermer ses portes. Vous avez exactement 5 secondes pour quitter les lieux. 5, 4, 3, 2, 1. Terminé, on ferme les portes, c'est tout pour le moment. Priscilla Garnier. Et bienvenue à l'ESAT, la quotidienne. La quotidienne. La radio de tous les ESAT. Et la radio à tous les ESAT. Ismaël, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on a fait les deux dernières semaines ? Comme ça, on fera écouter aux camarades qui ne sont pas là pour raconter qu'est-ce qu'on a appris dans les deux dernières semaines. D'accord. Tous ceux qui écouteront cet enregistrement. 29 septembre 2020. Et ceci est l'un des enregistrements qui servira de guide à tous ceux qui voudront faire une radio. Pour cette première partie, je vais devoir vous parler maintenant de comment brancher les câbles. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un tableau de commande, d'un haut-parleur, de câbles et surtout, bien évidemment, de micro pour parler. Étape numéro 1. Commencez d'abord par disposer les différents câbles liés au haut-parleur. C'est plus important. Ils doivent être branchés en premier. Et vous devrez alors utiliser les câbles orange prévus à cet effet. Ils seront marqués d'un scotch de la même couleur, en cas de besoin. Puis, ensuite, étape numéro 2. Une fois que vous avez branché les premières parties du haut-parleur, vous devrez brancher les prises jack orange vers le tableau de commande qui se trouve devant vous. En cas de besoin, vous aurez des mots qui seront marqués sur chaque case du tableau, qui vous aideront à les placer sur la table de mixage. Ensuite, partie suivante. Nous allons devoir nous occuper maintenant de l'énergie, puisque en effet, sans les énergies, pas de radio. Donc c'est simple, vous allez devoir prendre les multiprises qui seront colorées avec le scotch jaune et le brancher vers les haut-parleurs. Mais attention, il y a un sens bien précis. D'abord, branchez le câble principal, non pas sur les prises de la multiprise, mais sur la prise principale. Et enfin, une fois que ce sera fait, connectez la seconde prise au réseau. Et voilà, vous aurez de l'énergie. Mais attention, il ne faudra pas allumer tout de suite. Il reste ensuite alors les micros. Il faut brancher les deux micros, le micro 1 et le micro 2. Vous avez sans doute remarqué que sur le tableau de commande se trouvent différentes tranchées. Et sur chacune des tranchées correspond à un micro que vous allez brancher. La phase 1 d'abord est de saisir le premier en haut du micro, de le brancher sur le tableau de commande, l'autre sur le micro principal. Et le micro 2 sur le deuxième rangé. Une fois qu'ils sont branchés, il est temps de... Et que vous devez d'abord vérifier une ou à deux fois que tous les branchements ont été faits. Et ensuite, vous pourrez allumer. Mais ce n'est pas fini. Non, il reste à tester le son. C'est là que nous arrivons à la deuxième étape, les tests. Tout d'abord, prenez la première tranchée numéro 1. Tournez légèrement le gain, qui va vous permettre de savoir si vous avez le bon ton. Tournez-le jusqu'à ce que vous voyez un clignotant vert s'allumer. Une fois ceci fait, arrêtez-vous au niveau de la flèche. Ensuite, vous allez devoir passer au main. Comme d'habitude, vous allez devoir, avec le main, vous allez devoir tourner tout doucement parce que, arrivé à un certain niveau, vous subirez des larcènes. Alors, mettez-le au minimum, ce sera plus sûr. Et enfin, nous allons arriver au volume main, au volume principal. Et pour le deuxième micro, C'est totalement différent. La raison est la suivante. Ce second micro a une petite particularité. C'est toujours le main, mais il faut d'abord appuyer sur un bouton particulier. Si vous voyez le bouton 48 volts qui est en off, appuyez-le tout de suite pour qu'il s'allume en rouge. Et le second micro sera alors actif. Ensuite, il faudra d'abord, comme d'habitude, commencez par régler le gain, le level et le main. Et surtout, prenez bien votre temps, parce que si vous faites ça trop vite, il y a de fortes chances que vous vous preniez un larcène dans les oreilles et ça fait très mal. Bonjour et bienvenue sur Radio EZAT La Quotidienne. Donc aujourd'hui, nous animons cette émission de radio. Suite au déconfinement. Et nous allons appeler Lucie du GEM de Montreuil. Allô. on the phone right now, but if you want to leave a message, just start talking about the tone. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. C'était dur parce qu'on pouvait voir personne. Heureusement, il y a le téléphone. Voilà quoi. Et puis les actes, ils nous manquaient. La télé les gens, le boulot et tout quoi. Ouais, mais c'était chiant à force aussi. Ouais, c'est vrai, c'était la routine quoi. Le boulot, ça te manquait ? Ah ouais, ouais, quand même. De travailler, ça te manquait ? Ouais, ouais, quand même. Comme moi, moi aussi, je tournais en rond. Ouais, tu tournais en rond aussi. Quand tu es au boulot, bah attends, j'attends le téléphone. Ouais, on attendait, on attendait. Et bah, ouais. Tout en rond, moi, ouais, bah, j'en ai marre. Ouais. Marre. Allez, Stéphane, on maintenant. Un petit peu, peut-être. Allô ? Allô ? Oui, allô Lucie, c'est le groupe radio Ezat la quotidienne. Bonjour, le groupe radio Ezat la quotidienne. Je m'excuse d'avoir loupé votre appel tout à l'heure. Allô ? Bonjour Walid. Bonjour. Il y a un appel de... Attends, attends, prends le micro. Il y a un appel pour une base à coups. Je vous rappelle Bajakou. Ah, le barbecue. Le barbecue, ah oui, ça, on n'a pas encore... la proposition, c'était qu'on passe un barbecue ensemble, avec le GEM et le groupe radio, c'est ça? Oui. Ouais, il faut qu'on organise ça. Oui. T'es d'accord? Oui, t'es d'accord, c'est quoi? Bah, il faut qu'on trouve une date, alors, maintenant. Oui, d'accord. Quelques nouvelles quand même, ça peut nous donner. Oui, on voulait aussi avoir de vos nouvelles. Comment... Les nouvelles du GEM. Oui. Alors, le GEM, où il a, c'est pas encore réouvert tout à fait normalement là ces dernières semaines. Depuis le 11 mai, on fait là ça a un peu changé depuis la semaine dernière. 3 après-midi. Dans le jardin, par semaine, avec quelques personnes du GEM de Bondy en plus. Puisque à Bondy, ils ont un tout petit GEM. Ils n'ont pas de jardin. Donc on accueillait un peu ceux qui pouvaient se déplacer jusqu'à Montreuil. D'accord. Et donc on s'est retrouvés dans le jardin. On se donnait des nouvelles. Hein. On a discuté pas mal. On a fait un peu de gravure. On fait aussi un peu de musique. Et puis là, on reprend tout doucement des ouvertures normales. On va reprendre, on va essayer de refaire le plus vite possible, essayer de reprendre les repas de midi. Très bien. Voilà. C'est bon. La question, ce serait plutôt vers quel mois ? Vers quel mois pour le barbecue ? Oui. Eh bien, nous, on est un peu là au mois de juillet, mais je ne sais pas comment ça se passe pour les travailleurs à l'ESAT, si tout le monde est là, si certaines prennent des congés. Ben... Ça ne peut pas être fin juin ? Ben... Fin juin, c'est la semaine prochaine, en fait. Ben pour le moment, on ne sait pas encore si on sera tous là... en juillet ou en septembre, donc pour nous aussi c'est un peu pour nous aussi c'est un peu compliqué. Ouais, bah peut-être qu'on peut, je sais pas, attendre le mois de septembre. Tiens, le micro. Oui, allô. Et voilà. Oui, c'est Algia. Comment dire, au moins le mois de juillet, début juillet, qu'on se rencontre, qu'on se voie, qu'on parle du déconfinement et du confinement, quoi. C'est possible de faire passer au GEM, faire une rencontre au GEM, mais peut-être plus simplement qu'un barbecue, juste. Oui, c'est ça, se rencontrer, se parler. Juste boire un café, des petits gâteaux. Voilà. Est-ce que t'es d'accord, voilà. Waïd? D'accord, c'est juste quoi, un café, un thé, puis des gâteaux. Eh ben, j'ai pas de coucou. Moi, je suis d'accord. Eh ben, on sait pas, au début juillet. Eh ben, j'ai pas de coucou. Ça peut être début juillet, oui. C'est gentil, ça. Le bataku, tu gagnes le bataku. Il paye un coup, c'est ça qu'il a dit ? Non, barbecue, c'est barbecue. Ah, oui, c'est quand ? Alors, Waïd, c'est... Non, barbecue. Le barbecue. Wade, c'est barbecue ou rien. Plus gros. Oh, Superman. On est à Montreuil. Je suis dans une colocation dans l'une des deux barres d'immeubles qui se font face. Au milieu, il y a un jardin. Un jardin avec beaucoup d'arbres qui ont fleuri à ce printemps. Dans les arbres, il y a parfois des pigeons. Il y en a qui viennent nous réclamer à manger. Il y a aussi des tourterelles et d'autres oiseaux qui, eux, ne viennent pas nous rendre visite. Dans le jardin, je vois une mère sur son tapis, en train de se poser pendant que son enfant joue au foot. De chaque côté du jardin et des barres d'immeubles, il y a des parkings pour sortir. À ma gauche, c'est le jardin. À ma droite, c'est la rue, où j'ai un hôtel que je perçois aussi. Les véhicules qui passent de temps à autre. Des fois, il y a la police ou les urgences qui passent, ou les pompiers, mais pas souvent. Quelques promeneurs. On entend des gens qui discutent dans la rue. J'entends des gens qui discutent depuis leur balcon. À 20h, c'est l'heure des applaudissements. Les gens qui applaudissent. Certains pour encourager les médecins, les urgentistes, pour les féliciter. et puis les autres pour imiter parce que ça les occupe. Parce que le voisin le fait, donc eux le font aussi. Des fois, je vois passer les bus moins qu'avant. Depuis des jours, il fait beau temps. On n'a eu qu'un seul orage. Le ciel est souvent bleu. Il n'y a pas beaucoup de nuages. J'attends la prochaine pluie. Donc là, on vient d'écouter ce qu'avaient fait Ismaël et ainsi que Stéphane pendant le confinement. Deux écritures, deux petits travaux. Et réunis autour de cette table, avec Yvan, Guillaume, de nouveau Stéphane, Ismaël et Algia, on va tout en enregistrant pour pouvoir le raconter aux autres. Essayer de réfléchir sur, librement sur ce qu'on pourrait enregistrer dans les prochaines semaines pour le faire écouter aux autres. Mais où est-ce qu'on va l'enregistrer ? C'est là que, c'est toute la question que je me pose. On va aller faire ça où ? Eh bien, déjà, on peut le faire ici. Oui, d'accord, ça n'a aucun problème. Ouais. Est-ce que vous, Guillaume, vous aviez une idée de quelque chose que vous pourriez faire ? Alors, je pars en vacances la semaine prochaine, alors peut-être... Vous allez où ? Hein ? Vous allez où ? Je vais en Savoie. En Savoie. En Savoie. D'accord. Et normalement, bien sûr, il n'y a pas de problème de coronavirus là-bas. Ouais. Parce que peut-être que mon frère est contaminé. Genre, on va le savoir aujourd'hui d'ailleurs. Il faut que je passe un coup de fil, on va le savoir. Ouais. Parce que j'avais pensé, Guillaume, oui. qu'on aurait pu. Je me souviens, j'avais entendu que vous aviez pas mal porté un projet de sortie. Oui, effectivement, à Fontainebleau, surtout ici, oui, ouais. C'était le but. Il y en avait eu plusieurs des projets de sortie, mais d'abord il y a eu Étretat, mais Étretat c'était trop loin. Et ouais. puis ensuite on a fait un vote sur des petits trucs qui sont pas trop loin ou intéressants. Ouais. Et c'est tombé sur le château de Fontainebleau finalement. On était tous d'accord au bout d'un moment. Pourquoi Fontainebleau ? Alors parce que déjà c'est un château que nous ne connaissons pas très bien, alors qu'ici à Vincennes, enfin, il y en a beaucoup qui habitent pas très loin, ils connaissent Vincennes, tout ça. Ensuite parce que c'est un château que. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Moi, j'y suis allé il y a... Je vais vous dire, quand j'y suis allé, c'était en 2003. À 3 ans, ça fera bientôt 20 ans que j'y suis allé. Et je ne suis jamais rentré à l'intérieur. Ouais. Alors que certains châteaux, comme Versailles, par exemple, je l'ai déjà visité, plusieurs fois d'ailleurs, ouais. deux fois au moins. Et Fontainebleau, je ne le connais pas. Et c'est pareil que c'est vraiment un très beau château. Qui, comme disait Napoléon, c'est la demeure des rois. C'est vraiment un très beau château, qui aussi bien intérieur qu'extérieur. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que comme il est au milieu d'une forêt qui est très jolie aussi, ça risque d'être intéressant si on y allait par beau temps, parce que avec les couleurs automnales, cette saison, au mois de novembre, ça peut être très beau, la forêt. Excuse-moi de t'interrompre, Guillaume. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, Yvan ? Moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai parti à Fontainebleau avec mon école spécialisée. Ah ouais, c'était quand ? Ah, je me souviens plus parce que c'est il y a très très très longtemps. Ah ouais. Bah moi aussi, il y a très très longtemps, ça va faire 20 ans, il y a 3 ans. Ouais, parce que moi j'ai aussi visité Fontainebleau et. T'es allé à l'intérieur ? C'était dans une grotte. Une grotte. Ouais, ça devait être dans le parc. Où je faisais un peu d'escalade. Ouais, mais t'es allé dans le château, c'est la question que je te pose. Non, voilà. j'ai pas été au château, mais c'est la première fois que j'y vais dans le château. Ouais, ça sera la première fois que tu y vas si tu y vas là. Ouais. Ouais. Donc je pense que ça vaut le coup qu'on y aille, au moins pour découvrir. Bon, si ça marche bien, autant après faire d'autres sorties. Si c'est une première, c'est un coup d'essai, quoi. C'est voir ce que ça donne. Mais si ça ne fonctionne pas, on arrêtera tout simplement. Il faut toujours un premier pas, un coup d'essai. Oui. Alors, je me souviens, vous aviez, au mois d'août, vous aviez parlé de Étretat. Oui, c'était la première idée qu'on avait faite. C'était à la base pour tous ceux qui n'avaient pas pu cet été aller en vacances à la mer à cause du coronavirus. Ouais. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ici sont restés en région parisienne, à l'ESAT, de Salade l'ESAT. Ils sont restés en région parisienne, ils sont restés chez eux confinés et ils n'ont pas pu aller à la mer, ce qui est dommage pour eux. Alors, on a eu l'idée d'aller au plus près, là où la mer est la plus près de Paris, c'est-à-dire à Étretat. Certains avaient à la base aussi évoqué Deauville, mais Deauville, il n'y a rien à voir à part une grosse plage, il n'y a rien de très touristique, alors que Étretat, c'est très joli, avec les falaises. Mais le problème, c'est que ça a été jugé trop loin, trop compliqué à y aller, donc on s'est rabattu sur Fontainebleau après. Stéphane. Stéphane. Venez, vous pouvez avancer votre siège. Et le micro, je crois que le fil est assez long. Faudrait quand même rappeler que les sorties ont été refusées en raison pour cause de Covid-19. Mais sorties de qui? De l'ESAT ou de... Oui, les sorties de l'ESAT. Ah bah madame, j'ai vu Madame Cassou tout à l'heure, elle va parler à Monsieur Cibol. On va s'arranger. Alors, la semaine prochaine, il y aura une réponse. Je ne serai sans doute pas là. Enfin, mardi, je vais essayer de demander. Mais je pars mercredi, moi, alors je vous demanderai à la semaine d'après, quoi. Si jamais il y a une réponse. Mais on verra. Si c'est annulé, c'est annulé. Tant pis, c'est dommage. Les sorties sont annulées déjà en ce moment à cause du Covid-19. Ouais. Là, on n'a pas le droit de sortir même pour aller manger. Voici l'histoire de Pierre et l'eau. Pierre est un jeune garçon qui se balade dans la forêt. Il croit son ami, l'oiseau. Et le canard campé, mon boiteux, c'est le malheureux au bois. Et le chat au pâte de velours, représentée par la douce clarinette. Quant au grand-père, le colérique qui n'arrête pas de gueuler dans sa barbe, est représenté par le basson. Et quant aux chasseurs, avec leurs fusils et leurs chiens, sont représentés par les timbales et la grosse caisse. Quant au loup gris, le plus dangereux, ce sont les cors d'harmonie. Et notre jeune héros, Pierre, est représenté par le violon. Et on va pas entendre Ismaël aussi ? Ismaël, sur Aladdin, j'ai pas fait le montage. Ah mince, ouais. Bon, tant pis. Qu'est-ce qui vous fait envie dans les contes, Algia ? Ben c'est bien raconté, Yvan, on est bien là. Avec les sons de musique, avec quand il parle, là, il dit le père truqué, là, et tout, ah, la le, grande le caisse et tout, le grand-père. En et fait, tout. Chaque personnage est une musique, voilà, est un ouais. instrument. Mmh. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire une autre version de Pierre et le Loup. Mais moi, j'ai fait le dessin de Ulysse. Tu m'as dit, on va faire Ulysse avec, avec Ismaël. On l'a pas fait. Ouais. Ulysse, la sirène et tout. Les sirènes, on pourrait lire le début d'Ulysse avec un bruit de mer. Qu'est-ce que vous metteriez dedans ? Je sais pas. Ulysse, les grandes vagues. C'est le roi, un héros de Ithaque qui est parti en mer pour trouver son chemin. En fait, il faut un conte avec du caractère, quoi. Compagnons, c'est moi, Ulysse, le héros de Ithaque. Oui, je veux dire, pour ceux qui sont nés dans les années 80, Ulysse, à la base, c'était un manga japonais, ce qu'on appelle un film d'animation aujourd'hui japonais. Voilà. Et comme ça, on va enchaîner sur l'histoire très années 80 de Mario Bros. Pause. Ça, c'est le jeu de Super Mario Bros. 1. Secondaire de Mario. C'est Johnny qui est généralement dans les niveaux qui sont placés en hauteur dans les nuages ou bien dans des plateformes qui mènent tout droit vers le vide si le joueur rate une seule fois les marches. Pourriez-vous répéter s'il vous plaît ? J'ai pas compris le son. C'était celui du Game Over, là. Non, quand Mario se fait toucher par un ennemi où il tombe dans le vide, ça fait... Dans ce cas, l'intonation est mauvaise. La correction suivante est celle-ci. Non, d'abord, le premier son, c'est le son de contact, lorsqu'il se fait toucher par un ennemi alors qu'il n'a plus les moyens de se transformer. Là, on met la musique de Game Over. Contact, tut, Game Over. Non, ça, ce n'est pas la musique de partie terminée. Ça provient d'un autre jeu. Non, c'est la musique de la partie terminée de Mario Bros. Non, 1. Non, de celui de Bros 1 et Total, ce n'est pas celui-ci. Et Game Over, c'est comment ? Game Over. Non, par contre, il n'y a pas de voix off qui indique qu'il y a un Game Over. C'est juste que le Game Over apparaît devant l'écran dans la version rétro et que vous avez la musique de 20 parties qui vous indique que vous devez recommencer. Bon ben voilà, il est 11h30. On va s'arrêter. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Game over.